Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. Hier, on a parlé avec Pierre Gay, qui a succédé à Marcel Matin au cours des derniers mois à la tête de la direction de la Ligue JMS. Et en entrevue à DanaroSport.com, Pierre Gay a mentionné qu'au début, ça a été un peu difficile, mais les équipes ont mis de l'eau dans leur vin et le tout est rentré dans l'ordre. Implanter là, puis moi je m'en allais là pour le, pas pour le détrôner, là. Je m'en allais là pour la continuité. Puis présentement, ça, on a eu un début assez carotteux, ça a été difficile un peu. Fallait s'attendre. Moi j'avais des nouveaux membres dans l'organisation qui n'avaient presque jamais été dans des organisations, dans CA, dans des CA. Mais j'avais un bon vice-président, Danny Larouche, c'est qui m'a fait faciliter les tâches. Surtout qu'au début, j'étais à Matagami. Et c'est Danny qui avait les rênes. On se parlait tous les jours, 5-6 fois par jour, même encore aujourd'hui. Là, on se parle encore 5-6 fois par jour. Oui, toujours au téléphone. Puis il y a Alma Chicoutimi à côté. Toutes les communautés, on travaille main dans la main. Puis je pense que présentement, on a une demi-saison qui s'est assez bien déroulée. Guy mentionne que ça s'est amélioré à autour de 40%. Et Pierre Guy explique à quel niveau. Des équipes, on a mis des règlements en place qu'on a rajouté dans la Constitution avec la Fédération aussi. Il y a des affaires qu'on n'avait pas, c'était beaucoup d'affaires qu'on avait, qui étaient de parole à parole, puis il y avait des règlements qui n'étaient pas en place. Puis ça apportait beaucoup de divergences. Okay. C'est pour ça, moi, je te dis que 40%, c'est ça qu'on a amélioré. Puis on a encore, en cours de route, on prend des notes, puis quand on va aller aux provinciaux, comme on faisait avec Marcel, on va se réunir le CA, puis on va continuer à monter tout ce qu'on a pris en note durant la saison pour le mettre dans la Constitution, pour qu'au moins quand on va avoir des décisions à prendre, on va être appuyé par la Constitution. Dans un troisième temps, Pierre Gay mentionne que ça a été quand même assez difficile au début de remplacer une institution qu'est Marcel Maltais. Je travaillais avec lui, j'étais là. Et Marcel, là, c'était une institution, là. J'ai remplacé Marcel du jour au lendemain, là. Ça n'a pas été facile, parce que lui, c'est une bille, il connaît tout de A à Z. Il a des connaissances, il a tout. C'est comme on dit, ça a été l'R1 Marcel. Oui, maintenant, il faut que tu passes à d'autres choses. Là, c'est ça, là, c'est l'R1 après Marcel. Cette année, nous, c'est une première année après Marcel. Ouais. L'an prochain, on va améliorer encore plus avec, ça va être l'R2. On a aussi parlé avec Jérémy Fortin de Dolbeau-Mistassini. Jérémy Fortin qui a connu un match de 2 buts à son dernier match. Et il mentionne évidemment que du côté des Saguenay, ça a été quand même fort intéressant pour lui, malgré son rôle de joueur d'énergie. Oui, vraiment. On est vraiment un bon groupe de gars. On s'entend vraiment bien. On est vraiment tous unis. Puis le staff d'entraîneur aussi, c'est vraiment le fun. Puis. Je pense qu'on pousse tout dans la même direction, puis j'ai hâte de voir ce que. Et dans un deuxième temps, Jérémy Fortin mentionne que son rôle ne changera pas avec les Saguenay. Ouais, vraiment, on est vraiment un bon groupe de gars. On s'entend vraiment bien, on est vraiment tous unis, puis le staff d'entraîneur aussi, c'est vraiment le fun, puis je pense qu'on pousse tout dans la même direction, puis j'ai hâte de voir ce que. Et dans un dernier temps, Jérémy Fortin mentionne que la perte d'Olivier Galipeau laisse un grand vide dans le vestiaire des Saguenay. Galipeau, c'est vraiment quelqu'un que tout le monde s'entendait bien avec. C'est vraiment un vrai leader que tout le monde apprécie dans la chambre. C'est sûr que son départ, il est comme un gros trou que petite personne peut remplacer, peut combler. Puis il y en a qui allaient chercher d'autres défenseurs pour eux aussi remplacer le temps de glace que Gali avait. Puis, dans la chambre, c'est tout, c'est pas pareil. Là. Il y avait vraiment. Tournoi Pee-Wee Jonker, hier, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes catégories. D'abord, les Cougars de Chicoutimi ont gagné 3-2 sur les Genois d'Alma dans le A. Toujours dans le A, les Genois d'Alma ont gagné 2-1 sur l'Avalanche de Jonker et Métabetchouan a gagné 2-1 sur les Aiglons d'Alma. L'extrême de Chicoutimi a vaincu les Citadins de Jonker 5-2. Les Éperviers de Normandin ont défait le National de la Baie 3-1. Les Sabres de Robertval ont eu le meilleur sur les Monarques de Saint-Ambroise, 5-3. Dans le B, le Wild de Jonquière a gagné 6-2 sur les Patriotes de Chicoutimi. Les Aiglons d'Allemagne ont gagné 3-2 sur les Prédateurs de Jonquière. Et Chicoutimi a gagné 2-1 sur les Olympiques de Gatineau. Et les Genois d'Allemagne ont eu le meilleur sur les Blues de Jonquière, 2-1. Et dans le 2B, les Orioles de Jonquière ont gagné 1-0. Et au basketball, les anciens du cégep de Jonquière ont eu le meilleur sur Robertval, 58-54 hier. Francis Vézina était le meilleur pour les perdants avec une récolte de 11 points. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Marc Fortier. On fait un peu le bilan de l'actualité chez les Canadiens. Également, je me suis entretenu avec Jérémy Fortin des Saguenay de Chicoutimi. Et vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Pierre Gay, le nouveau responsable de la Ligue JMS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.